La recyclerie créative La Bénie Idée, chantier d'insertion soutenu par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, organise une vente de sapins de Noël, imaginés et créés à partir de bois recyclés, le dimanche 3 décembre à la salle des fêtes de Gentilly de 10h à 18h. Des bonnes idées de décoration à venir découvrir avant les fêtes. La boutique de la recyclerie La Bénie Idée est aussi ouverte une fois par mois, suivant un calendrier diffusé sur leur page Facebook. Elle fonctionne aussi en click and collect via la boutique en ligne. Plus d'infos sur labenidee.fr.